Matisse FM, tout de suite, les infos nationales et internationales. Bonsoir à tous. Ceux qui voient Emmanuel Macron être aspiré par les crises à l'international et sans volonté de peser sur la scène française, toujours sonné par le fiasco de la dissolution surprise à l'été dernier, en sont pour leurs frais. Depuis le début du mois de juillet, le chef de l'État a multiplié les prises de parole très politiques. Jeudi dernier, le président a semblé revenir sur la piste de danse après des semaines à tenter d'avancer sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et le Hamas et entre Tel Aviv et Téhéran. Les premiers à faire les frais de ce regain sont le chef du gouvernement, François Bayrou, et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le Premier ministre, il doit gérer son gouvernement, a ainsi lancé Emmanuel Macron jeudi dernier en pleine visite auprès de producteurs de Roquefort dans l'Aveyron. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République a rendu ce lundi midi un non-lieu en faveur d'Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe, poursuivis depuis des années sur la gestion du Covid-19 lorsqu'ils étaient ministres. Une information judiciaire avait été ouverte en juillet 2020 pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre à l'encontre de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran. Lennart Monterlo, jeune Français de 18 ans, est porté disparu depuis le 16 juin dernier alors qu'il se trouvait en Iran. Une disparition jugée inquiétante par le Quai d'Orsay dans un contexte extrêmement tendu entre l'Occident et l'Iran alors que deux Français sont actuellement retenus en otage à Téhéran. Après les jugements du procès des effondrements mortels de la rue d'Aubagne à Marseille, des familles de victimes ont réagi ce lundi. Si certains saluent une très bonne décision, d'autres déplorent des actes pas suffisamment forts. Parmi les 16 prévenus jugés, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné 3 copropriétaires à des peines de prison ferme. Un feu de forêt s'est déclaré ce lundi du côté de Fréjus dans le Var, à proximité de camping. Des logements à proximité ont été évacués. Le camping du Colombier a été évacué à 11h ce matin. Une procédure d'urgence a été enclenchée. 1320 vacanciers ont dû quitter les lieux en l'espace de 15 minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Maldito rococheo. Silla, silla, silla, silla, silla, silla, silla, silla. Quiso probarme otra vez, se quedó con seguidilla. Cuando vio lo que le hice sentadito en esa silla. ¿Qué fue lo que le hice? Yo no sé, yo no sé. Me la bebí todita, tenía sed, tenía sed. Quiso probarme otra vez, se quedó con seguidilla. Cuando vio lo que le hice sentadito en esa silla. ¿Qué fue lo que le hice? Yo no sé, yo no sé. Me la bebí todita, tenía sed. Oye, muévelo, que se empegota. Te sacaste el loto con esta mamazota. Mientras tenga vida, tú no eres fiel a otra, porque todas están como su cuenta rota. Qué maldito de peluñe. Ay. Probame otra vez, se quedó con seguidilla. Cuando vio lo que le hice sentadito en esa silla. Ay, Dios mío, pero tú no te cansas. Otra vez. Y dale, así que dale, que no se sienta mal después que se pare. No lo muevo mucho, vice te sale, ni en una foto conmigo sale. No me importa nada de lo que tú digas, si me toca mucho soy tu puta fina. Yo la veo a ustedes y me veo yo misma. Porque son yo, pero copia china. Quiso probarme otra vez, se quedó con seguidilla. Cuando vio lo que le hice sentadito en esa silla. ¿Qué fue lo que le hice? Yo no sé, yo no sé. Me la bebí todita, tenía sed, tenía sed. Quiso probarme otra vez, se quedó con seguidilla. Cuando vio lo que le hice sentadito en esa silla. ¿Qué fue lo que le hice? Yo no sé, yo no sé. Me la bebí todita, tenía sed, tenía sed. Esta historia continuará. Pantera, no hay que decirte nada. Yay, vete a corta. 96.5 Courant. Métis FM, Métis. Malgré tout ça, nous j'habite. C'est Dieu qui a la dérive. Et puis c'est un autre fond, nous qu'à suivre, nous qu'à oublier moi. Songez leur dégâts, en moi. Qu'on a dans les livres. Toutes les bons moments, nous j'habite. qu'il me faut.